Chapitre 22. Georges et Geneviève. Georges avait terminé sa toilette. Il se regardait avec complaisance dans son armoire à glace, et son air satisfait laissait voir qu'il était sûr de son succès. Il quitta son père pour aller chez Geneviève. Il frappa à la porte. Une voix douce lui dit « Entrez ». Geneviève courant à lui. « C'est toi, Georges, que je suis contente de te revoir, il y a si longtemps !» Georges l'embrassa plusieurs reprises avant de parler. Il semblait ému. Georges. « Geneviève, ma cousine, ma sœur, avec quel bonheur je te retrouve. J'ai tant pensé à toi. Je suis si heureux de notre réunion. » Il s'arrêta, regarda autour de lui et continua d'un air pénétré. « Cette chambre me rappelle des souvenirs bien pénibles. C'est ici que j'ai commis une action dont le souvenir et la honte m'ont si longtemps poursuivi. Je sentais si bien que j'avais mérité ton mépris. » Geneviève. « Comment ? Tu y penses encore depuis tant d'années ? Quelle folie, Georges ! Crois-tu que je te juge sur les actes de ton enfance, que j'ai pu t'en conserver de la rancune ? Tout cela me revient comme un rêve. Il faut que tu l'oublies comme moi, et que nous commencions une nouvelle vie d'amitié, sans nous souvenir du temps de notre enfance. » Mademoiselle Primrose entra, Georges s'avança vivement vers elle et l'embrassa avec tendresse. Mademoiselle Primrose étonnée. « Tu m'aimes donc, toi ? Je croyais que tu me détestais toujours. » Georges avec animation. « Moi, vous détestez ? Ah, ma cousine ne me jugeait pas d'après mon triste passé. Depuis des années, je désire vous revoir. Vous renouvelez volontairement les excuses que mon père m'a forcé de vous faire la dernière fois que je vous ai vue. J'attendais avec impatience le jour où nous nous retrouverions dans cette même demeure où vous m'avez connu si méchant. » Mademoiselle Primrose froidement. « Tout cela est très bien, mon ami. Mais pourquoi alors n'es-tu pas venu me voir à Auteuil ?» Georges. « Hélas, ma cousine, mes journées étaient si occupées. Des cours à suivre, des examens à préparer. Il ne restait plus de temps pour mes amis. » Mademoiselle Primrose d'un ton moqueur. « Laisse donc. Crois-tu que j'ignore tes déjeuners, tes dîners fins, tes spectacles, tes parties de plaisir ? Voyons, finissons cette comédie. Je n'ai pas 18 ans comme Geneviève. Ne joue pas l'attendrissement ou le repentir. Je devine ce que tu veux. Tu ne l'auras pas, c'est moi qui te le dis. Laisse-nous finir nos petits arrangements. Nous irons te rejoindre au salon à l'heure du dîner. » Georges ne répondit pas et sortit fort irrité contre la cousine Primrose, qui lui inspirait la même antipathie que dans son enfance. Si on pouvait l'éloigner, pensa-t-il, la faire partir. Cette vieille folle dérangera les projets de mon père, et je n'aurai pas Geneviève. Et cette petite sotte qui ne me défend même pas, qui ne dit pas un mot en ma faveur. Mais elle est jolie, très jolie. Elle a 80 000 livres de rente. Il faut absolument qu'elle consente à devenir Madame Dormer. Georges alla raconter à son père son insuccès près de Mademoiselle Primrose. Figurez-vous, mon père, dit-il en terminant son récit, qu'elle a eu la méchanceté de rappeler le mauvais tour que je lui ai joué en barbouillant le portrait de son horrible nègre. Je ne savais quelle contenance tenir. C'est désagréable, cela. » Monsieur Dormer. « Et Geneviève, comment t'a-t-elle reçu ?» Georges. « Très bien, très amicalement. Elle ne pense à rien, elle. Elle a tout oublié. » Monsieur Dormer. « C'est l'important. Sois aimable pour elle. Elle t'aimera. » Georges. « Je ne demande pas mieux, moi, mais si jamais je l'épouse, je mets à la porte cette vieille cousine, et je défendrai à Geneviève de la voir. » Monsieur Dormer. « Nous n'en sommes pas encore là, mon ami. Commence par plaire à la petite. » Georges. « Je ferai mon possible, vous pouvez y compter. Elles vont descendre, l'heure du dîner approche. » Monsieur Dormer et son fils passèrent au salon où ils attendirent ces dames. Au premier coup de cloche, Mademoiselle Primrose et Geneviève descendirent. Après avoir dit quelques mots à son oncle, Geneviève s'approcha de Georges, qui se tenait un peu à l'écart, en examinant attentivement sa cousine. Geneviève. Tu as perdu l'habitude des accès de franchise de notre cousine, mon pauvre Georges. Tu as l'air un peu préoccupé. Ne lui garde pas rancune, je t'en prie. Et surtout, ne pense pas que je partage ses ressentiments sur ton long oubli. C'était tout naturel. Nous vivions si séparés. Moi, petite fille, toi, jeune homme déjà et occupé d'études sérieuses. Georges. Je te remercie de me rassurer sur tes sentiments à mon égard. Mais ce n'était pas ma cousine Primrose que je pensais. C'est à toi, dont j'admirais la grâce, l'élégance, la distinction. Je ne t'avais pas bien vu ce matin, tant j'étais saisie. À présent que je te vois mieux, je comprends qu'on ne se lasse pas de te voir et de t'entendre. Jusqu'au charme de la voix, tout y est. » Geneviève sérieusement. « Georges, ne dis pas de ces folies dont je n'ai pas l'habitude et qui me déplaisent. » Georges. « Pourquoi te déplaisent-elles ? » Geneviève. « Parce que je n'aime pas l'exagération, même quand elle est à mon profit. Ne sois pas comme un monsieur avec une demoiselle étrangère. Soyons comme des anciens, quoique jeunes amis, sans cérémonie, comme on doit l'être entre frères et sœurs. » Georges. « Puisque tu le veux, je tâcherai. Mais tu ne me défends pas de te regarder. » Geneviève. « Oh, quant à cela, tant que tu voudras, cela ne me fait rien du tout. » Georges. « Et tu me permettras d'aller chez toi, de causer avec toi, toutes les fois que je pourrai me reposer de mon travail. » Geneviève. « Tant que tu voudras, mon ami, comme du temps de notre enfance. Je ne me gêne pas avec toi. Si j'ai à lire ou à écrire ou à peindre, tu ne me dérangeras en aucune façon. » Mais où est donc mon oncle ? Georges. Il est sans doute allé faire voir à ma cousine Primrose les changements qu'il a faits à son cabinet de travail, qui n'est plus dans sa bibliothèque. Geneviève. Ah, où est-il à présent ? Georges. À côté, dans ce qui faisait ma chambre. Et toi, où es-tu ? Georges. Dans un appartement qu'il a fait arranger pour moi dans l'ancienne serre qui touchait à la bibliothèque. Geneviève. Je n'ai encore rien vu de tout cela. Après dîner, nous irons nous promener et voir les changements dont tu parles. Georges. Je suis à tes ordres, quand et comme tu voudras. Le dîner fut annoncé, M. Dormer et Mlle Primrose rentrèrent dans le salon et on se mit à table. Geneviève fut très gaie, très animée. Elle avait perdu la crainte que lui donnait jadis la présence de son oncle. M. Dormer était émerveillé de l'esprit, de l'amabilité de sa nièce, dans laquelle il cherchait vainement la petite fille craintive et la pensionnaire timide d'autrefois. Il la trouvait charmante, et il était heureux de penser que cette jeune personne accomplie serait un jour sa belle-fille. Mademoiselle Primrose était contente du succès qu'obtenait sa jeune cousine, qu'elle avait si bien dirigée et qui lui devait une grande partie de ce qu'elle était. Georges parlait peu. Il redoutait les railleries et la clairvoyance de Mademoiselle Primrose, et se contentait de ne pas quitter Geneviève des yeux et d'applaudir à toutes ses paroles. Après dîner, on fit une longue promenade, après laquelle Mademoiselle Primrose fit la partie de piquet avec M. Dormer, pendant que Geneviève crayonnait dans son album tout en causant avec Georges. « Sais-tu dessiner ? » lui demanda-t-elle. « Georges. « Non, pas beaucoup. Assez pour faire des figures d'algèbre et de mathématiques et pour lever un plan. » « Geneviève. « Mais c'est très utile, cela. Aimes-tu la musique ? Joues-tu d'un instrument quelconque ?» Georges. « Non, je n'ai jamais eu le temps de me laisser aller à mon attrait pour la musique. » Geneviève. « C'est dommage. La musique est une bien agréable distraction. » La soirée se passa ainsi, sans ennui. Les jours suivants furent variés par quelques voisins que M. Dormer avait invités pour leur présenter sa nièce. Madame de Saint-Émard fut la première à accourir avec Hélène et Louis. Les amis d'enfance se revirent avec joie. Madame de Saint-Émard fit mille compliments à M. Dormer et à son ancienne amie, Cunégonde Primrose, de la beauté, de la grâce, du charme de Geneviève. Madame de Saint-Émard. En vérité, M. Dormer, vous devez être fière de votre nièce, et toi, Cunégonde, de ton élève, car c'est toi qui l'as élevée. Mademoiselle Primrose gaiement. « Oui, c'est bien moi et moi seule. Sans moi, mon cousin aurait eu une petite pensionnaire gauche, timide, ignorante. Car vous vous rappelez, mon cher, qu'elle ne savait rien que lire. Un peu écrire et compter jusqu'à 100 quand vous me l'avez donné. Donner est le mot, car il ne s'en est pas plus occupé que d'un vieux chien. Ah, mais il n'y a pas à froncer les sourcils, c'est comme je vous le dis. Osez nier que c'est moi qui l'ai débrouillé, que c'est moi qui ai inventé de m'établir à Auteuil, de la mettre demi-pensionnaire à l'Assomption, de lui donner de bons maîtres de musique, de dessin, de littérature, d'allemand, d'italien. C'est-il vrai cela, mon cousin ? Dites. Monsieur Dormer. Très vrai, ma cousine, très vrai, je ne l'ai jamais contesté. Je n'aurais certainement pas si bien réussi. et je conviens avec grande reconnaissance et satisfaction que vous avez fait une œuvre admirable. » Mademoiselle Primrose. « Avec l'aide du bon Dieu et de Geneviève elle-même, qui avait une riche nature, esprit, bonté, douceur, elle avait tout. Je n'ai eu qu'à développer et entretenir. » Madame de Saint-Aymar. « Et la beauté que tu oublies, Cunégonde ? » Mademoiselle Primrose. « Oh, la beauté est agréable, mais ce n'est pas elle qui fait le bonheur. » Madame de Saint-Aymar. « Et maintenant qu'elle a 18 ans, pensez-vous à la marier, monsieur Dormer ?» Monsieur Dormer. « Non, pas encore, dans 1 an ou 2. » Madame de Saint-Aymar parut satisfaite de cette réponse. Elle avait, depuis 10 ans, songé à marier Louis avec Geneviève et Hélène avec Georges. Monsieur Dormer sortit un instant pour donner des ordres à quelqu'un qui l'attendait. Les deux amis restèrent seuls. Madame de Saint-Aymar. « Cunégonde, tâche de faire rencontrer le plus souvent possible Geneviève avec Louis. Je voudrais tant qu'elle devint ma belle-fille. Elle est charmante, très riche. Ce serait un excellent mariage pour Louis. » Mademoiselle Primrose. « Il faut que ces choses viennent toutes seules, Cornélie. Je sais que depuis leur enfance, tu entretiens ce projet. Et un autre aussi pour Hélène et Georges. Mais si tu pousses à la roue, tu feras manquer les deux. » Madame de Saint-Aymar. « Qui t'a dit que j'y songe depuis longtemps et que j'y pousse maladroitement? C'est une pensée qui m'est venue en retrouvant Geneviève si charmante. » Mademoiselle Primrose. « Ta, ta, ta, je te connais et je t'ai deviné depuis des années. » Madame de Saint-Aymar. « Et au lieu d'y aider, tu vas contrarier mon projet ? » Mademoiselle Primrose. « Je ne contrarierai rien du tout, ma chère. Louis est un charmant jeune homme, et je serai très heureuse de lui voir épouser Geneviève. Mais d'autres ont aussi des projets, et cela, par exemple, je n'y aiderai pas, au contraire. » Madame de Saint-Aymar. « Qui donc ? Est-ce que quelqu'un se présente ? » Mademoiselle Primrose. « Personne ne se présente encore, mais on prépare l'affaire. » Madame de Saint-Aymar. « Qui donc et avec qui ? Pense donc que je suis ta plus ancienne amie. Tu peux bien me confier ce que tu en sais. » Mademoiselle Primrose. « Écoute, mais promets-moi le secret le plus absolu. » Madame de Saint-Aymar. « Je te le jure. » Mademoiselle Primrose. « Eh bien, apprends que monsieur Dormer garde Geneviève pour Georges. » Madame de Saint-Aymar. « Georges, son cousin Germain, qu'elle ne pouvait souffrir à cause de ses méchancetés. Georges, dont tu m'as dit un mal sérieux, et qui, m'a-t-on dit, fait sottise sur sottise depuis qu'il a quitté le collège ?» Mademoiselle Primrose. Tout cela n'empêche pas que le père, qui est resté aveugle sur le compte de son fils, et qui sait que Geneviève a une fortune considérable, qu'elle fera un très bel effet dans sa maison comme sa belle-fille, ne soit très décidé à ne la marier qu'avec Georges, et qu'il refusera son consentement pour tout autre mariage. Madame de Saint-Aymar. Mais si Geneviève refuse Georges, si elle aime mon fils, il faudra bien que monsieur Dormer consente, et dans tous les cas, quand elle aura 21 ans, elle épousera qui elle voudra. Mademoiselle Primrose. Je t'ai prévenu, n'est-ce pas ? Fais maintenant comme tu voudras, mais prends garde de risquer le bonheur du pauvre Louis. Ne lui en parle pas, c'est plus sage, et cela n'empêchera pas ce qui doit arriver. » Madame de Saint-Aymar ne répondit pas, elle resta pensive et garda son idée, tout en retardant l'exécution.